Chapitre 11e, la lettre. Charny suivait le capitaine sans prononcer un seul mot, et Malagotti, de son côté, gardait le même silence. Ils arrivèrent bientôt de la sorte au seuil de cette maison isolée, que le nègre de la comtesse vint leur ouvrir. Malagotti se dirigea vers le pavillon. À travers les jalousies brillait l'éclat de plusieurs lumières. Il y avait en ce lieu une collation toute servie. Le capitaine déposa la nonne sur un fauteuil. Tout d'un coup, le chevalier poussa un cri de surprise lorsque le vent du pavillon écarta son voile. « Capitaine, c'est elle, c'est la comtesse. Voyez donc sa rose noire. L'obscurité a trompé le duc. »« Que me dites-vous là ? » reprit Malagotti en cherchant à soulever le masque, auquel celle qui venait de s'asseoir porta rapidement la main avec un geste de défiance et d'autorité. Le duc aurait enlevé Donna Carmen. L'excellente histoire, poursuivit le chevalier. Pendant qu'il voyage avec la cousine de la comtesse, nous tenons ici son esclave, la belle Concha. N'en rions pas trop, capitaine, ajouta le chevalier à voix basse, à l'oreille de Malagotti. Savez-vous qu'elle vient de subir un rude assaut? Ne m'en parlez pas. Après un trait pareil, je poignarderais le duc si j'étais femme, dit le capitaine en fermant le poing. Mais comment se fait-il qu'à cette heure, Donna Carmen... Il faut convenir qu'il y a une providence pour moi, pensa Charny. Je touche enfin à ce dénouement tant souhaité. Ma foi, vous faites bien de nous désarmer, capitaine. Vive mon étoile et en avant la gaieté. Comtesse, poursuivit-il en s'approchant le plus qu'il lui fut possible de la belle étendue sur le fauteuil, m'excuserez-vous de vous avoir si mal défendu? Elle poussa un soupir et serra la main du chevalier comme pour lui dire merci. Le capitaine s'était rapproché d'elle instinctivement. Elle murmura quelques mots à son oreille. Pour le chevalier, il la contemplait avec une idolâtrie amoureuse que rien ne peut rendre. La guimpe de la nonne cachait ses beaux cheveux noirs, ses cheveux que Charny avait admirés la veille à la procession. La respiration de la comtesse était lente, oppressée. On eût dit véritablement qu'elle souffrait. Le chevalier se mit bientôt à genoux devant elle, en lui prodiguant les noms les plus tendres, en lui répétant tous les sonnets espagnols qu'il pouvait savoir. Il la conjurait avant toute chose de vouloir bien dénouer son masque, mais elle semblait retomber à cette prière seule, dans une syncope bien faite pour alarmer le pauvre Charny. Une fois l'audacieux voulut porter la main au fil de ce masque, mais elle le retint en lui montrant l'anneau qu'il portait au doigt, et en laissant entendre un rire moqueur. « Oh, diable sont les femmes !» murmura le chevalier. « Elles se souviennent de tout. » En voyant que la comtesse semblait vouloir retirer elle-même avec effort de son doigt cet anneau si mystérieux pour elle, émue, transportée de se voir aussi près de Concha, le chevalier passa lui-même cette bague à l'index de la belle Espagnole en lui disant à voix basse « La voici, vous ne m'accuserez plus. » Elle fit un mouvement comme pour le lui rendre, mais il reprit « Non, belle Concha, non. Plus de duc entre vous et moi. Oui, du Médina venir une seconde fois vous disputer à Charny, je vous l'atteste ici, vous serez ma femme. » Et comme elle semblait ne pas comprendre elle-même une si brusque déclaration de principe dans la bouche du chevalier, « Oui, continua-t-il, ma femme, n'êtes-vous donc pas libre grâce à cette heureuse substitution ?» Vous m'expliquerez plus tard ce dévouement de votre cousine. Quel que soit son motif, c'est une personne adorable. Et me voilà bien revenu sur son compte. Hâtons-nous seulement, le duc pourrait revenir. Prenons la route de Ségovie, c'est la plus sûre. Votre nègre ira chercher des chevaux, et le capitaine assurera notre fuite. Se tournant alors vers Malagotti. Capitaine, je n'ai pas accepté votre offre quand vous me proposiez d'être mon témoin pour un duel. « Voulez-vous être le mien pour un mariage ? Demain, je suis comte. On vient de m'en donner la nouvelle au bal et je dois, telle est la volonté de mon père, me fixer dorénavant en Espagne. » Le capitaine Malagotti recula d'abord de deux pas, en frisant sa moustache de l'air effaré d'un chat qui se dispose à montrer ses griffes. Jusque-là, il avait paru donner au chevalier liberté entière de faire le siège de la comtesse. Mais à ce mot de mariage, et en lui voyant passer au doigt de la belle silencieuse l'anneau de Suzanne, Malagotti répliqua bientôt. « Un moment, monsieur le chevalier, ou plutôt monsieur le comte. Ceci est fort grave, un enlèvement. Je sors des cachots de Saint-Jean-de-Luz et j'avoue que l'air m'en a semblé quelque peu malsain. Si l'on me prouve que je n'ai accompagné qu'un séducteur au lieu d'un mari, mon affaire sera mauvaise. J'ai beau être l'ami du cardinal depuis aujourd'hui, son éminence est diablement impartiale. Donnez donc à madame et à moi une preuve certaine de la loyauté de vos intentions. Il y a ici tout ce qu'il faut pour écrire, » continua le capitaine en ouvrant une armoire. « Je le sais puisque j'habitais moi-même ce pavillon et que j'étais ce matin encore l'hôte de madame la comtesse. Et il faut se hâter, comme vous dites. Il faut lui signer une promesse de mariage. » La confusion et le saisissement l'empêchent de parler, mais croyez-moi, cette preuve formelle. D'ailleurs, poursuivit Malagotti, en voyant l'hésitation du chevalier, c'est pour moi que je vous demande ce bout de papier. Il peut me servir en cas de malheur. À ce prix, je me fais écharper par tous les dragons rouges et jaunes qu'on pourrait lancer d'ici à notre poursuite. Qu'à cela ne tienne, dit le chevalier, à qui la comtesse tendait sa main dégantée, sur laquelle Charny posa les lèvres. « Rédigez cela comme vous l'entendrez, capitaine. Moi, je signe aveuglément. Ma chaise est près d'ici. Envoyez ce nègre à mon hôtel. » Malagotti donna des ordres au nègre de la comtesse et dès que celui-ci fut parti, il écrivit lui-même quelques lignes à la hâte. Le chevalier déclarait épouser à Ségovie la personne qu'il enlevait et donnait dans cet acte à Malagotti le nom de témoin. Charny prit la plume et il signa. La comtesse s'est élevée. Malagotti mit le papier dans sa poche. Le bruit d'une voiture ne tarda pas à se faire entendre. Le nègre était de retour. Charny pressa la comtesse de mettre sa mante et de partir. « Un moment encore, » dit le capitaine au chevalier en le prenant à l'écart. « Avant de quitter Saint-Jean-de-Luz, j'ai à remplir près de vous une commission. »« Laquelle ?»« Cette lettre du cardinal. Cette lettre. » « Il m'a chargé de vous la faire tenir, oui, ce soir même, à son jeu. J'ai failli crever un cheval de poste pour y aller. »« Vous ?» reprit le chevalier avec étonnement. « Moi-même. Telle est l'influence d'un habit de cour, chevalier. »« Et vous conviendrez que celui-ci, » reprit Malagotti en se regardant avec complaisance, « a dû faire quelque effet au jeu de son éminence. Je vais lui parler, de lui d'abord, puis de vous. »« De moi ? Et que peut-il y avoir de commun entre nous deux ?» demanda Charny au capitaine avec un dédain mal déguisé. « Je vais vous le dire. J'ai connu le comte de Cernay. Ensuite ?»« Le comte de Cernay est le père de mademoiselle Suzanne. »« Eh bien ?»« Eh bien, cette jeune fille que vous avez arrachée violemment de son château il y a 4 ans, cette jeune fille que vous avez séduite et que vous oubliez maintenant après lui avoir brisé le cœur, le cardinal sait de ce soir par moi qu'elle existe, qu'elle vous a suivi, et que vous l'avez laissé fuir sans vous inquiéter de ce qu'elle pouvait devenir sur une terre qui n'est pas la sienne. Après, comme le cardinal est moins long que vous à reconnaître ses torts, et qu'il en a eu de sanglants envers le père de mademoiselle de Cernay, il veut les réparer, et il vous écrit. Quand je dis qu'il vous écrit, il s'est borné à tracer quelques lignes au bas du papier, car ce papier, monsieur de Charny, me vient d'une autre personne. D'une personne qui vous fut chère et que vous avez perdue. Lisez. » Et Malagotti présenta alors au chevalier un papier jauni, dont l'écriture était connue de Charny, car il pâlit en voyant sa seule suscription. Cette lettre était ainsi conçue. « C'est à vous, capitaine, que je recommande en mourant mon vœu le plus cher. Le ciel m'a puni en me donnant un fils que son père, malgré mes larmes, refuse de légitimer. Si jamais ce fils imitait l'exemple de son père, s'il avait détruit le bonheur d'une pauvre fille, brisé son avenir et anéanti ses espérances, s'il l'aimait enfin comme le duc son père m'a aimé, je l'en conjure ici par cette croix sainte que je baise en mourant entre les mains de la supérieure de Tours, qu'il l'épouse, capitaine, et rompe ainsi la ligne de déshonneur que je lui ai si malheureusement léguée. 2 juin 1657 Signé Louison, au couvent des Ursulines de Tours. Pendant cette lecture, le front de Charny, courbé sous le poids d'une émotion inattendue, ne révélait que trop par sa pâleur le combat violent qui brisait ses forces. Le chevalier avait voué à cette mère, si indignement abandonnée par Gaston, le frère de Louis XIII, un pieux et saint amour. Il l'aimait de toute la haine qu'il portait à l'oncle de Louis XIV. Les larmes qui mouillaient les paupières du capitaine ne pouvaient laisser de doute à Charny sur l'amitié de Malagouti pour la religieuse des Ursulines de Tours. Cette volonté ardente et suprême de sa mère mourante le rappelait à lui-même. Le cardinal à qui le capitaine avait communiqué cette lettre y avait ajouté quelques mots d'une ineffable douceur, car Mazarin, par un contraste bizarre de caractère, alliait souvent à des rigueurs odieuses un intérêt touchant et presque paternel pour les personnes qu'il affectionnait. La jeunesse et le courage de Charny l'avaient cependant moins touché que les malheurs de Mademoiselle de Cernay. Il prétendait, en l'unissant à Charny, lui assurer à l'avenir une fortune. La sienne était assez grande pour qu'il fût libéral, et assez mal acquise pour qu'en de rares occasions il se montrât juste. « Et maintenant, chevalier, poursuivit le capitaine, comprenez-vous pourquoi j'avais tant à cœur de me présenter à son éminence ? Oh, j'étais bien sûr qu'elle me recevrait. Avant de mourir à la Bastille, le comte de Cernay, qui gardait précieusement les moyens de se venger de son ennemi, me remit lui-même toute la correspondance amoureuse du cardinal avec la duchesse de Châtillon. « Ce n'est plus une vengeance, me dit-il, c'est un sauf-conduit que je te livre. » J'avais donc un moyen d'introduction tout trouvé. Mais ce n'est pas pour moi que j'en ai usé, rassurez-vous. C'est pour Mademoiselle de Cernay que la Providence m'a fait retrouver. En apprenant au cardinal qu'il pouvait réparer une injustice, je l'ai décidé, il vous a écrit. Ses paroles toutefois ont, j'en suis certain, moins de pouvoir que celles d'une mère. Beau pleurer, c'est bien. Mais ce n'est pas assez de pleurer, il faut agir. Il faut effacer jusqu'à la moindre trace de vos torts. « Eh, le puis-je ? » murmura Charny en levant sur le capitaine un regard désespéré. « Suzanne ne m'a-t-elle pas fui ? Ne suis-je pas, hélas, assez puni par son absence ? Malagouti, si vous avez pour moi quelque pitié, continua-t-il, accompagnez-moi au lieu de la comtesse dans cette fuite dont tout me fait un devoir. Partons, quittons cette ville. » Suivons la route que Suzanne a prise. Recourons au cardinal lui-même pour la découvrir. Oui, je ne le sens que trop, continua le jeune homme avec amertume, en reportant les yeux sur le domino immobile qu'il écoutait. Je suis doublement coupable aujourd'hui. Coupable envers vous, madame la comtesse. Coupable de vous avoir trompé et menti, de vous avoir dit que je n'aimais plus Suzanne. Vengez-vous de moi comme vous le voudrez, peu m'importe. Livrez-moi vous-même à la moquerie, au dédain. Mais à l'idée d'avoir perdu Mademoiselle de Cernay, mon cœur se déchire. À l'idée d'avoir pu changer la route qui me conduisait au bonheur pour m'engager dans celle du plaisir et de l'oubli, je vois devant moi se dresser un souvenir terrible et fatal, celui de ma mère qui, elle aussi, fut abandonnée. Et Charny pleurait. Il pleurait aux genoux de cette femme. Il la conjurait avec instance de l'aider à retrouver sa maîtresse, dût-elle, après cela, le mépriser. Qu'il eût vu ainsi demander humblement pardon de son amour à celle qui l'écoutait sans rompre un seul instant ce froid silence qui perçait le cœur du chevalier, eût cru voir un homme qui a perdu son bien le plus cher. Il se leva bientôt et demanda au capitaine le papier qu'il venait de signer un quart d'heure auparavant. « Je ne vous le rendrai pas, monsieur le chevalier, » objecta le capitaine. « Un homme d'honneur n'a que sa parole. Cet écrit appartient à madame. Elle est libre de le déchirer si bon lui semble. »« Je le garde, » répondit-elle avec un son de voix qui fit tressaillir Charny. Elle venait enfin de se démasquer et montrer au chevalier le visage rayonnant de Mademoiselle de Cernay. Des larmes de joie, de bonheur, débordait encore de ses longs cils noirs sous la dentelle de son masque. Charny prit le masque et baisa les larmes avec transport. Il les but comme l'abeille boit la rosée. « Suzanne » s'écria-t-il. « Suzanne !»« Oui, Suzanne qui vous aime et vous pardonne. » Suzanne qui n'a pas craint de lutter avec la belle comtesse de Liche, pour vous prouver que dans le cœur d'une Française, il y a autant d'amour que dans celui d'une Espagnole. Maintenant, Charny, la pièce est finie. Vous aimez la comédie? Pensez-vous que les trois acteurs l'aient bien jouée? Car nous étions trois, monsieur. Moi, le capitaine et la comtesse. La comtesse? Reprit Charny étonné. Pourquoi pas? Elle s'y connaît. Elle aime à la folie tout ce qui sent l'imbroglio de la passion. Nous autres Françaises, hélas, nous n'aimons la passion que pour elle-même. Monsieur le chevalier, votre chaise de poste est prête, je le suis aussi. Et de plus, vous m'avez nommé votre témoin, dit Malagotti. Avais-je tort de vous faire écrire que vous enleviez votre femme? Il achevait à peine ces paroles lorsque la porte s'ouvrit. La comtesse et Mélina parurent sur le seuil. La comtesse de Liche avait instruit le duc de l'amour du chevalier. Ce n'était plus un rival, c'était un ami qui venait chercher le jeune duc de Medinaceli. Quelques jours après ceci, le mariage du roi Louis XIV se célébrait le 9 juin, en grande pompe à l'église de Saint-Jean-de-Luz. La comtesse de Liche et le duc en virent les splendeurs, mais tous les regards des courtisans y cherchèrent vainement le chevalier de Charny. En revanche, le même jour où ce mariage royal s'accomplissait, le soleil, colorant de ses teintes vermeilles les cinq ponts de l'Eresma, éclairait dans l'église des religieuses de Santo Domingo à Ségovie le mariage du chevalier de Charny et de Suzanne de Cernay. Ainsi s'achève le chevalier de Charny de Roger de Beauvoir.